Je suis le docteur Xorgel. Bienvenue dans mon cabinet. Sachez que je m'occupe de cas sociaux, particulièrement de ceux qui contractent la phlémangite aiguë. La lecture en salle d'attente est uniquement consacrée à un public musical. Mes patients étant plus spécialement issus du hip-hop, du rock et de l'électro. Bien sûr, les personnes atteintes de la festivité sont traitées d'urgence et avec le plus grand son soin. Dites-moi, secrétaire, venez par là s'il vous plaît. Oui, je suis le docteur Xorgel. Consultation pour ta gueule. Ordonnance d'ouvrir sa gueule. Une chanson sinon je t'engueule. Oui, je suis le docteur Xorgel. Consultation pour ta gueule. Ordonnance d'ouvrir sa gueule. Une chanson sinon je t'engueule.